Fresh Air Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir, bonjour, bonjour. Bonsoir tout le monde, bonsoir Frédéric. Oh pardon, bonsoir Freddy, bonsoir, bonsoir Adrien. Bonsoir Romain. Et bonsoir le public. Ouais, bonjour Minnesota. My kids Alors, are not here. Comment ça va? Eh bien ça va bien. How are you guys doing? Still indoor. Très bien, très bien. We had some good days. I was able to take some walks with the kids and stuff. That's nice. Yeah. That feels good. It is indeed. Yes. And the fact that we spend more time indoor, I've been able also to watch more movies. Mm-hmm. I mean, yes, me too. So I don't know if our listeners know, but Romain was a competitor, a participant to Question pour un Champion, which is a French Jeopardy. So Romain has a lot of general culture. He knows about, has a great memory. I was young. Romain would be a great spy, actually. It was in 1995. It was in 1995 that I won Question pour un Champion. So it's a long time ago, 25 yeah. years ago. He did. Well, not quite. It was in December. So yeah, you burned some brain cells since. Oh, so many. All right. I well, know. Tonight is going to be a special show. We're first going to start with some a small selection of song about Cinco de Mayo. So some song about Mexico. And the rest of the selection is going to be about May Day. Because May 1st and May 1st May in France, 1st. Like in most of the rest of the world, is Labor Day and celebrate, you know, labor movement. Well, let's go and let's listen to some music. Eh bien, c'est parti, mon kiki. First, we're going to listen to Luis Mariano with his song Mexico, then Marcel Amon with Un Mexicain, and Annie Cordy with Les Pompiers du Mexique, or Mexico's Firefighters. On a chanté la Parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend qu'elle est norvégienne, fille du Nord, on le sent chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout, le soleil de Mexico, on devient fou. Au son des rythmes tropicaux, le seul désir qui vous entraîne, dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine

imprimons ça avec ardeur. Le sous-lieutenant fait vider les barriques. Le capitaine dégrafe sa tunique pour inviter à s'embâter la fiancée du caporal de ses pompiers. Mais hélas, ce soir-là, ça ne devait pas se passer comme ça. Tout à coup, Pépita, plus belle que le jour, vint à passer par là. Oh oh! Oh oh! Ah ah! Ah ah! Oh oh! Oh oh! Ah ah! Ah ah! Les pompiers du Mexique, frappés de stupeur, crièrent en chœur, elle est inouïe, elle est à nous, car phénomène unique, que personne n'y touche, elle a une bouche à incendie, et la samba des pompiers du Mexique, des généraux en fagard fantastique, le capitaine en vrai boxeur. Semble être un fusil mitrailleur, les regardant d'un sourire angélique, baissant les yeux avec un air pudique. La Pépita disait tout bas, hardi les gars, vous je n'ai pas tapé dans le tas. Comme ça que tout le monde se calma, les pompiers, le capitaine et Pépita, les pompiers, le capitaine et Pépita. It was Luis Mariano with Mexico, Marcel Amon with Un Mexicain, and Annie Cordy with Les Pompiers du Mexique. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Now we're going to listen to three songs called Mai 68 or May 68. The first one will be by Jean-Michel Karadec, then Gilbert Bécaud, and Maxime Le Forestier. La branche a cru denter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère. Ce soir que montent les clameurs, le vent a des souffles nouveaux au royaume de France. Le peintre est monté sur les pierres, on l'a jeté par la frontière. Je crois qu'il s'appelait Julio. Tout le monde ne peut pas s'appeler Pablo, royaume de France. Et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. Le sang est couleur du drapeau, royaume de France.

j'espère de vivre vieux. It was Georges Moustaki with Ma Liberté, Les Malpolis with On veut pas du travail, and Julien Clerc with Travailler c'est trop dur. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now we're going to talk about the events. Yeah, okay. Well, the first one is actually it started on May 1st. It is the online gala of the Alliance Française. May we. And so it's online from May 1st through May 13th. And what's going on online is the silent auction. And on May 13th at 8 p.m., the live auction will actually be streamed. So, but right now you can go on afmsp.org. And well, you follow the links and you'll be able to participate in the silent auction. Exactly. All right. The other event that's going to happen, it's on May 5th. There's going to be Daddy's Quiz live stream. And the name sounds funny, but really, it's the accordion. And so it's Dan Newton playing live, you know, like remotely. And it's Tuesday from 6 to 7 p.m. So there's going to be some lively music. Okay, and so this is a lunch in French, and it's online on May 6th. So that's Wednesday, and this is a, you know, redundant. It reoccurs weekly, I think. It's the Alliance Française. It's at 12:30 p.m. for lunch to speak French and have lunch, kind of break up the day together for a relaxing conversation with a group. So there is a fee associated to the event. We'll let you take a look. Online, afmsp.org. Yes, thank you. Okay, and still with the Alliance Française on May 7th, which is Thursday from 10 to 11, there was an intermediate conversation class, and that's a free trial. So you have to register, but it's a 60-minute long free trial of a conversation class for intermediate French speakers. So it's a good way to test those class and see if it's it would be a good fit for you. Yeah, and see your and check on your level. Mm-hmm. All right. And on May 7th, from 5 p.m. to 6:30 p.m., there's a French book club via Zoom. And the name of the book is All the Light We Cannot See. And it's hosted by Cuckoo Minneapolis, and it's online. And this month, it's a Pulitzer Prize winning novel, All the Light We Cannot See. Mm-hmm. And so it's a Francophone author, because I know that my wife read it, and I didn't know that it was a Francophone author. That's great. So you get an RSVP at Minneapolis at cuckoofrenchclasses.com, and they will send you a link to join a meeting online. It's on Zoom, yes. Yep. Perfect. All right. This event is Let's Eat. And this is an online French Friday public event that's on May 8th. And that's at 6:30 dinner time. This is going to be held on Zoom. And this is organized by the Alliance Française for a second off. So please register. They have a suggested donation online if you want to participate. Right. And the theme of the night is going to be La Cuisine Française. But it's going to follow the pattern of the last off, which is off is the online French Friday, which means there's going to be different participants for a short amount of time. And that should be very entertaining. Yeah. And I don't want to give it away, but Romain is interested. Yes. Indeed. Just saying. Might watch online with his apron on. Yes, and family friendly. Last event for this week. So it's on May 9th, which is on Saturday. The Post Café on will be, of course, online. And it's from 9:30 to 10:30 with the Alliance Française. And so you have to register. There is a fee. And it is some kind of a café conversation with the Alliance Française staff and other people. So it's going to be fun. Yeah, fun. And there's a cost associated to the event, but we got to recognize, give a shout out quick again to the Alliance Française for really adapting to, you know, the stay-at-home order. I mean, there are so many like cool events around food, simple things, right? Coffee. But yeah, it keeps the community alive. And we're so lucky to have that in Minnesota. So thanks to the Alliance Française and all the team behind it.

maintenant une seule fleur dans mes entourages, ça me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Oh, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Non, je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer. Oh, c'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume, je fume, oh je fume, je fume. C'est magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais, non. Oh, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. C'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour. Et que j'espère devenir vieux. Moi, je prends ma guitare et j'attrape mon onglet. Et je joue cette vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez, mes chers amis, la vie est bien, bien trop courte pour se faire de misère. Allons danser ce soir. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande pourquoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et que j'espère devenir vieux. Yeah. La musique, et ça presque tous les jours. Je joue sur des grandes scènes, autant que dans les petits bars. Il y a des fois où tu comprends, je reste avec mon ami, mais je suis revenu ce soir pour le plaisir de chanter. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas un mot. Demander la que je vis sur l'amour et que j'espère devenir vieux. It was Pink Martini with Sympathique, then Catherine with Sympathique, and Jesse Garon with Travailler c'est trop dur. Now it's going to be Berrurier Noir with Descendons dans la rue, Let's go down to the street, then another Berrurier Noir avec Manifest, and Coluche with a skit called La Manifestation, or The Protest. Comme un soixante et onze et quand ça t'en fait un, la seule. Marseillais, je les gens. Sur ce livre en amour rouge, soldat. Tendu comme un mort et sur le toit. Je veux le pouvoir et je les ors. Je les lois et je la vends. Sur ce livre en rêve, le soldat. Sur ce livre en rêve, sur le toit. Je veux l'armée, je veux la guerre. Je veux les tuer, je veux la rêve. Je veux les armées, je veux les larmes. Je veux les jouer et je les vends. Sur ce livre en rêve, le soldat. Sur ce livre en rêve, sur le toit. Je suis sur le livre, je suis sur le livre, je suis sur le livre. Manifeste, manifeste, carrefour du boulevard Arago et de l'avenue des Gobelins, où depuis 4 heures déjà, la bataille fait rage. Mais voici un jeune homme qui a un pavé à la main. J'enjambe la barricade et je m'approche de lui. Peut-être lui saura-t-il me fournir des éléments. Quel est le sens, le but de cette manifestation? Parce qu'avec plusieurs camarades, on s'est dit on va marcher jusqu'à la République, comme ça... On fera voir pour nos revendications, tout ça, quoi, parce que, quand on sort du centre d'apprentissage, on s'aperçoit qu'on a été tout ce temps-là pour rien, parce que il n'y a pas d'emploi, quoi, comme on dit, à la radio, il n'y a pas... En gros, vous n'êtes pas le Parti communiste, puisque je sais que le Parti communiste était contre cette manifestation. Ah oui, les communistes, ils s'en comptent, ils s'en foutent, ils ont du boulot, voilà. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ah mais on gueule, nous. On gueule et après on verra si on est assez, enfin on fera un parti, mais là pour l'instant il y a plus de travail pour les ouvriers finalement que pour nous, parce qu'on a notre branche et c'est très particulier. Mais vous, quelle profession présentez-vous alors? Ben on est les jeunes directeurs de banque et on trouve pas de boulot parce que ils se créent pas d'emploi, parce que il y a pas de banque nouvelle qui se forme, qui s'ouvre, et c'est communiste, quoi, en fait. Donc pour vous la guerre est ouverte? Ben, la guerre, elle est un peu ouverte, oui, un petit peu, ouais. Parce que on se marre pas, nous, hein. Et alors, bien sûr, on a du pognon. Les gens, ils disent, ah, ben, ils ont du pognon. Et alors, il y a du pognon, et alors? On va pas faire les barricades avec nos bagnoles, non, elles sont toutes neuves. Et alors, pourquoi ils nous prennent, les gens? Sans blague. Bon, ce que vous demandez, c'est du travail. Ils ont qu'à créer de l'emploi, j'en veux des banques nouvelles. Ouvrez des banques, voilà, c'est pas compliqué, vous avez qu'à ouvrir des banques, voilà. It was Berruyer Noir with Descendons dans la rue, then Manifest, and Coluche with La Manifestation. Now it's going to be Hubert Félix Thiéfen with 22 mai, or May 22nd. Then Les Salles Majestés avec Les Patrons, the Bosses, and TTC, or TTC, with Travailler, and it's a remix. Thank you.

l'été comme un enfant s'est installé sur mon dos et c'est très lourd à porter un enfant tout un été sans cigale avec des hiboux ensoleillés comme les enfants du mois de mai qui reviendront cet automne après l'été de 1704. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira. La révolution. La révolution, ça dérange. La révolution, ça s'arrange. La révolution, ça s'explique. Et quand ça s'explique, ça se complique. Et ça se met dans une commission. Et ça se met dans une commission de l'armée de préférence. Eh, dis, Sanguinetti, qui est celui-là, dit? C'est un Corse, et non, c'est un gaulliste. La télévision, ça se vise. La télévision, ça divise. La télévision, ça litige. Et quand ça litige, ça se corrige. Ça se met dans un communiqué. Ça se met dans un communiqué. Trafiqué de préférence. Eddie, ce Finalteri, c'est celui-là encore. C'est un Corse, c'est un gaulliste. La révolution, c'est pratique. La révolution, ça oblige. Ça tombe comme ça peut et ça prête. Et quand ça prête trop, ça s'achète. Ça se met dans une augmentation. Ça se met dans une augmentation du fumier de préférence. Ortoli! Ortoli! Qui est-ce lui alors? Dit, c'est un gaulliste? Non! C'est un ministre! La révolution tralalère, la révolution tralalère, la révolution tralalère. Quand ça tralalère trop, ça se casse, ça se met dans un coin à glander, ça se met dans un coin à glander pour longtemps de préférence. Et tous ces mecs qu'on voit plus, dit, qui c'était ça? C'était des... Non, c'était peut-être des... Non, non, non, non. Et alors, qui c'était? C'était des journalistes honnêtes. Comme des hippies avec les yeux rougis.

La garde d'assaut marche, boum badaboum badaboum bam bam. La garde d'assaut marche, boum badaboum badaboum bam bam. Au centre téléphonique, hi Carmela, hi Carmela. Au centre téléphonique, hi Carmela, hi Carmela. Défi aux prolétaires, boum badaboum badaboum bam bam. Défi aux prolétaires, boum badaboum badaboum bam bam. Provocation stalinienne, hi Carmela. Hi Carmela, provocation stalinienne. Hi Carmela, hi Carmela. On ne peut laisser faire, boum badaboum badaboum bam bam. On ne peut laisser faire, boum badaboum badaboum bam bam. Le sang coule dans la ville, hi Carmela, hi Carmela. Boum badaboum badaboum bam bam. Pour mes failles sénètes. Boum badaboum badaboum bam bam. A vaisselle prix Barcelone. Aïe Carmela, aïe Carmela. A vaisselle prix Barcelone. Aïe Carmela, aïe Carmela. La République s'arme. Boum badaboum badaboum bam bam. La République s'arme, boum badaboum badaboum bam bam. Mais d'abord contre nous autres, aïe Carmela, aïe Carmela. Mais d'abord contre nous autres, aïe Carmela, aïe Carmela. À Valence et à Moscou, boum badaboum badaboum bam bam. À Valence et à Moscou, boum badaboum badaboum bam bam. Le même ordre nous condamne, aïe Carmela, aïe Carmela. Le même ordre. Ils ont juré d'abattre, boum badaboum badaboum bam bam. Ils ont juré d'abattre, boum badaboum badaboum bam bam. L'autonomie ouvrière, aïe Carmela, aïe Carmela. L'autonomie ouvrière, aïe Carmela, aïe Carmela. Pour la lutte finale, boum badaboum badaboum bam bam. Pour la lutte finale, boum badaboum badaboum bam bam. Que le front d'Aragon vienne, aïe Carmela. Aïe Carmela, que le front d'Aragon vienne. Aïe Carmela, aïe Carmela. Camarade ministre, boum badaboum badaboum bam bam. Camarade ministre, boum badaboum badaboum bam bam. Dernière heure pour comprendre, aïe Carmela, aïe Carmela. Qui choisissent, boum badaboum badaboum bam bam. Honte à ceux qui choisissent, boum badaboum badaboum bam bam. L'aliénation étatique, aïe Carmela, aïe Carmela. L'aliénation étatique, aïe Carmela, aïe Carmela. Sculpteur d'ombre, tisseur de nuages, éclaireur de sombre et crieur d'orage, souffleur de trous noirs, pourfendeur de bourreaux, défouleur de foulards et appeleur de tapons. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui a. Il faut pas être contre le travail. Faut juste en trouver un qui aille. Mais qu'est-ce qu'on a? Mais qu'est-ce qu'on a? Fileur d'escampette, dentiste à mordre, homme de droit à tordre, avocat pour crevettes, goûteur de mots doux, cracheur de mots durs, sableur de sablier, personne pour marchand de paille. Il faut pas être contre le travail, faut juste

tracteur matraque et piétiné, gazé, aveuglé, se relève pour forcer les grandes portes ouvertes, les portes d'un passé mensonger piétiné. On ouvre sur la vie la solidarité et sur la liberté. On s'indique que l'Odéon soit occupé, alors qu'il trouve encore tout le naturel qu'un acteur occupe tout seul la tragicomédie française depuis de longues années, afin de jouer les matinées, nuits et soirées à bureau fermé. Le rôle de sa vie à l'offre providentielle, héros d'un trivieux drame de répertoire de la montre se souvenir qu'à un autre monde on y croyait, même si